Excellence de Marie et son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi, volume 2, Instruction familière sur le Magnificat. Deuxième instruction, de la gloire que nous devons rendre à Dieu, à l'imitation de Marie. Dans l'instruction précédente, nous nous sommes bornés à quelques considérations générales, qui, je crois, ne sont pas inutiles pour préluder à l'explication du cantique de la Sainte Vierge. Je puis en conséquence aujourd'hui me dispenser de toute réflexion préliminaire pour en venir directement au but. Mon âme exalte le Seigneur et relève sa grandeur, tel paraît être le sens grammatical des premières paroles du cantique de Marie, Magnificat anima mea dominum. Mais le sens véritable et naturel est celui-ci. Mon âme glorifie le Seigneur. C'est là en substance ce que Marie voulut faire entendre par ses premiers mots. Il renferme en quelque sorte une réponse indirecte à l'éloge que lui avait adressé Élisabeth, en l'appelant bienheureuse. Vous me comblez de louanges, ô Élisabeth, semble-t-elle lui dire. Mais mon âme ne peut les rapporter qu'à Dieu, vous vous réjouissez, vous tressaillez avec moi, mais mon esprit ne peut se réjouir et se féliciter qu'en Dieu, mon salut et ma vie. Vous louez les œuvres du Créateur, mais je ne saurais louer que le Créateur dans ses œuvres lui seul apparaît à mes yeux digne de louange, d'estime et d'honneur. C'est donc à lui qu'est due principalement la gloire, c'est à lui que je veux la rapporter non seulement par mes paroles, mais surtout par les sentiments de mon esprit et de mon âme. Oui, mon âme et mon esprit glorifient le Seigneur, exaltent et publient sa grandeur. Mais ici peut se présenter une difficulté bien naturelle, et la voici. Comment Dieu peut-il recevoir de l'honneur et de la gloire? Et s'il le peut, comment Marie lui en procura-t-elle? Comment enfin pouvons-nous et devons-nous lui en procurer? Développer et éclaircir cette difficulté, tel sera le sujet de cet entretien. Nous cherchons donc en premier lieu comment Dieu est capable de recevoir de l'honneur et de la gloire. On pourrait y voir une espèce d'absurdité, puisqu'il est évident qu'on ne peut rien ajouter à ce qui est infini par nature. Or, tel est le Dieu que nous servons, il est infiniment parfait, il possède au souverain degré, à un degré infini, toutes les perfections possibles et imaginables. Il est donc manifeste qu'un être de cette nature ne peut recevoir aucun accroissement. S'il pouvait acquérir la plus petite chose que ce soit, il faudrait en conclure que sa perfection n'était pas infinie, attendu qu'il ne possédait pas encore ce qu'il vient d'acquérir, mais Dieu nous garde de penser qu'il en soit ainsi. Il renferme tout en lui-même, il possède toute perfection, toute gloire et tout honneur. Comment donc peut-il recevoir quelque gloire de ses créatures? Voilà la difficulté dans toute sa force, et autant il est aisé de la comprendre, autant il est difficile de la bannir entièrement de notre esprit. Pour en venir à bout, il faut nécessairement distinguer ce qui est intrinsèque à Dieu même, de ce qui lui est extrinsèque. Ce qui lui est intrinsèque n'est autre chose que son essence même. Ce qui lui est extrinsèque, ce sont les relations qu'il a avec ses créatures. Or, il est certain et hors de doute qu'on ne peut rien ajouter à ce qui constitue intrinsèquement la nature divine, mais d'un autre côté, il n'est nullement difficile de concevoir comment Dieu, par rapport aux créatures, peut recevoir ce qui lui est extrinsèque. Une comparaison éclaircira peut-être ce que je veux dire. Permettez-moi de vous faire cette demande, peut-on augmenter la clarté du soleil? Vous me répondez aussitôt qu'on ne le peut pas, il est brillant par sa nature, il est la source de la lumière, Comment donc pourrait-il croître en clarté? Il faudrait pour cela trouver un second soleil et l'unir au premier, mais en attendant il ne pourra acquérir un nouvel éclat et demeurera toujours le même. Eh bien, moi, je vous dis que sa clarté peut s'accroître, et comment? Le voici, la lumière du soleil est fort faible dans cette enceinte, on voudrait l'augmenter, que fait-on? On perce une nouvelle fenêtre, ou bien on agrandit et on élargit celle qui s'y trouve déjà aussitôt le jour augmente. Voilà donc que la lumière du soleil s'est accrue, n'est-il pas vrai? Oh, elle ne s'est pas accrue en soi, mais seulement par rapport à nous et à cette étroite enceinte, si bien que le soleil ne serait ni plus ni moins brillant alors même qu'il n'existerait aucune fenêtre. Vous m'avez parfaitement compris. Or, je voulais précisément vous faire entendre la même chose par rapport à Dieu. Sa gloire est toujours la même, ses perfections sont immuables quant à leur essence, mais il n'en est pas ainsi par rapport à nous. Nous pouvons plus ou moins les connaître et les apprécier, par cela même que nous commençons à les connaître. Nous commençons aussi à glorifier Dieu. Non pas que nous ajoutions quelque chose à son essence ou à sa gloire intrinsèque, mais parce que nous en augmentons le prix et le mérite à nos propres yeux. Voilà en quoi consiste la gloire que Dieu peut recevoir de ses créatures, en tant que celles-ci font éclater plus vivement les perfections divines auxquelles elles participent. On croit communément que la Lune et les autres planètes sont des corps opaques, c'est-à-dire obscurs et privés de clarté. Néanmoins, ces astres nous éclairent pendant la nuit, mais comment? C'est qu'ils reçoivent sur eux les rayons du soleil, et semblables à autant de miroirs, les réfléchissent et nous les transmettent. À la faveur de cette lueur, toute faible qu'elle est, nous dirigeons nos pas durant le cours de la nuit. Mais quand le soleil vient à paraître et à se montrer en face, nous n'avons plus besoin de leur secours. De même, mes frères, durant la nuit de cette vie nous ne pouvons arrêter directement nos regards sur le divin soleil source de toute lumière, et néanmoins dès maintenant nous jouissons de sa clarté, mais comment? L'apôtre nous l'apprend. Les créatures sont pour nous comme autant de miroirs à l'aide desquels se manifestent les perfections divines. 1 Corinthiens 13, 12. Voilà donc la manière dont les créatures peuvent glorifier Dieu, c'est en le faisant connaître autant qu'il leur est possible, et en manifestant ses attributs infinis. Voyons maintenant de quelle manière Marie a glorifié son Dieu. Il n'y a pas de doute que toutes les créatures, même les plus viles, ne puissent nous aider à parvenir à la connaissance du Créateur, car la grandeur et la beauté de la créature fait connaître et rend visible en quelque sorte le Créateur lui-même. Sagesse 13, 5. Ce qu'il y a d'invisible en lui, dit saint Paul, Romains 1, 20. Même sa puissance éternelle et sa divinité nous est devenue visible par la connaissance que ces créatures nous en donnent. Une fleur, une feuille, un grain de sable suffisent pour nous faire admirer la main puissante et sage qui a tiré toutes ces choses du néant. Cependant, il faut remarquer que toutes les créatures ne sont pas également propres à faire ressortir les attributs de l'être divin. Il brille en elle plus ou moins, et une créature est d'autant plus en état de nous faire apprécier les perfections de son auteur qu'elle lui ressemble davantage, ou en d'autres termes qu'elle participe davantage à ses perfections mêmes. Un miroir nous renverra d'autant mieux les rayons du soleil qu'il est plus pur, et qu'il les reçoit lui-même plus abondamment et plus directement. Cela posé, vous comprendrez sans peine que Marie est plus en état de nous faire connaître et admirer les perfections de la divinité qu'aucune autre créature qui ait jamais existé, qui fut jamais plus pure qu'elle. qui fut jamais plus exempte de la moindre souillure. Nous pouvons dire de cette Vierge Immaculée ce qui est dit de la sagesse sacrée, c'est l'éclat de la lumière éternelle, le miroir sans tache de la majesté de Dieu, et l'image de sa bonté, sagesse 7, 26. Qui reçut jamais plus directement qu'elle et en plus grande abondance les célestes influences du soleil de justice. Elle n'est pas seulement investie, mais, revêtue du soleil, Apocalypse 12, 1, le soleil ne l'éclaire pas seulement d'un côté, mais il l'enveloppe, il la couvre, il la pénètre tout entière, en un mot. Le véritable soleil de justice a choisi son sein pour y fixer sa demeure. Elle est donc la créature la plus éclatante, la plus parfaite de toutes, elle est le chef-d'œuvre des mains divines. C'est pourquoi elle est plus à même qu'aucune autre de glorifier et d'exalter son Dieu. Tous les ouvrages peuvent, jusqu'à un certain point, faire connaître le talent de leur auteur, mais les auteurs, au moins les plus célèbres, distinguent parmi leurs ouvrages celui qu'ils regardent comme leur chef-d'œuvre. Ainsi, par exemple, le chef-d'œuvre de Raphaël sera son tableau de la Transfiguration, celui de Michel-Ange, son Moïse, celui du Tasse, sa Jérusalem délivrée, celui de saint Thomas d'Aquin, sa somme théologique, et ainsi des autres. Or, c'est ce chef-d'œuvre, plus que tout le reste, qui fait briller le génie de ses auteurs, aussi dit-on communément que si dans leurs autres ouvrages ils ont surpassé leurs rivaux, par leur chef-d'œuvre ils se sont surpassés eux-mêmes. Cela étant, si nous considérons les ouvrages de Dieu dans l'ordre des simples créatures, ou des êtres purement créés, car personne n'ignore que l'œuvre souveraine de la toute-puissance divine ne soit l'incarnation du Verbe. Parmi les êtres sensibles nous n'en trouverons point de plus parfait que l'homme, et parmi les hommes, aucun, l'homme Dieu excepté, qui soit plus parfait, ou même égal à Marie. Elle surpasse toutes les autres créatures en perfection, et par suite elle est la plus propre à nous faire apprécier les perfections du souverain créateur de toutes choses. On pourrait peut-être m'objecter que les anges, étant des créatures d'un ordre supérieur à l'espèce humaine, sont plus en état que Marie de nous faire connaître les perfections divines. Quoi qu'il en soit, je crois pouvoir dire sans me tromper que si les anges sont supérieurs aux hommes, il est permis d'admettre une exception en faveur de Marie, c'est-à-dire de celle que l'Église invoque sous le glorieux titre de Reine des anges. Je crois donc que tous les anges, loin d'en être jaloux, se font une gloire de servir cette auguste reine, de contempler sa beauté et d'admirer ses sublimes prérogatives, ils y trouvent un puissant motif de louer éternellement la sagesse, la bonté et les autres perfections du Créateur, qui reluisent avec tant d'éclat dans cette admirable créature. J'ai déjà dit ailleurs que quoique ces paroles de l'Ecclésiastique, 24, 5, 14, première née avant toute création, j'ai été créé dès le commencement et avant les âges, à proprement parler ne puisse s'entendre que de la sagesse sacrée. Voyez volume 1er traité 2, chapitre 2. Néanmoins, vu l'application qu'en fait si souvent l'Église catholique à la Sainte Vierge elle-même, on peut conclure qu'elles ont au moins avec elle quelques relations. On peut donc croire que Marie est la première parmi les pures créatures, la première non pas selon l'ordre des temps, mais en dignité et en prééminence. C'est donc là le chef-d'œuvre, où la sagesse de Dieu a déployé toutes ses ressources, où sa souveraine puissance a fait éclater la force de son bras, afin de se construire une habitation digne de lui. Proverbe 9, 1. Il est donc vrai que Marie, dès le premier instant de son existence, parut comme la plus belle et la plus noble de toutes les créatures. Mais de combien cette beauté ne s'est-elle pas accrue par une correspondance fidèle aux grâces et aux faveurs de Dieu? Elle était déjà grande en naissant, et dès lors, semblable à une aurore resplendissante, elle surpassait en éclat tous les astres de la nuit, mais elle ne s'arrêta point à ce premier degré. Elle alla toujours croissant jusqu'à ce qu'elle eût atteint le divin soleil, et qu'elle se fût unie inséparablement à lui au jour de sa triomphante assomption dans le ciel. Les âmes privilégiées qui rendent gloire à Dieu par leur inviolable fidélité sont innombrables, mais parmi elles, il y en a une qui mérite une attention toute spéciale, Cantique 6, 7. Dieu ne cessa d'accumuler les grâces sur sa tête, et Marie, en servante fidèle, mit constamment à profit toutes les faveurs qu'elle recevait. Qui donc pourra comprendre la multiplicité de ses progrès? Personne, si ce n'est le Très-Haut, le Créateur. C'est lui qui l'a créé dans le Saint-Esprit, qui l'a vu, qui l'a pénétré et qui l'a mesuré, Ecclésiastique 1, 7 et suivant. Dieu seul est donc capable d'apprécier les mérites sans nombre de la très sainte Vierge. Dieu seul est en état de comprendre jusqu'à quel point il est glorifié par la fidélité incomparable de cette sublime créature. Ce qui a été dit jusqu'ici est suffisamment clair, me paraît-il, pour exclure tout doute raisonnable. Mais une question qui pourrait être assez embarrassante pour nous, c'est de savoir comment nous aussi nous glorifions Dieu. Si nous ne voulions chercher que la manière dont nous pouvons légitimement et dont nous devons le glorifier, il y aurait peu de choses à dire. En effet, nous pouvons le faire, proportion gardée, de la même manière que Marie, c'est-à-dire en usant saintement des dons et des grâces que nous avons reçus de la divine bonté. Nous ne pouvons pas, il est vrai, nous vanter de jouir de la justice originelle, mais au moins, ayant été rendu par un effet de la miséricorde divine participant de la grâce sanctifiante par le bain salutaire du baptême, nous aurions dû conserver avec fidélité la robe précieuse de l'innocence qui nous fut alors conférée, et la regarder toujours comme le trésor le plus inestimable qui pût jamais nous être confié. Mais, hélas! Nous sommes-nous comportés comme nous eussions dû le faire, mon cher frère, quel sujet de nous confondre. Non content d'avoir souillé la robe de l'innocence baptismale, peut-être l'avons-nous perdue entièrement. À quelle perte immense, nous avons faite. Mais enfin le mal est commis, il faut songer au remède, sur le champ et sans le moindre délai. Recourons à la seconde fontaine qui nous est offerte pour nous purifier de nouveau des souillures que nous avons contractées. Embrassons la seconde planche qui nous reste après le déplorable naufrage de l'innocence, implorons la miséricorde de notre Dieu, pleurons de tout notre cœur les péchés que nous avons commis, faisons un ferme propos de nous amender, et, le cœur contrit et humilié, approchons-nous de la fontaine sacrée du Sauveur. Confessons nos fautes, Dieu est fidèle, si nous faisons un aveu, tel qu'il le demande, de tous nos péchés, il nous les pardonnera et nous rendra la grâce qu'ils nous ont ravis. Après l'avoir recouvrée, gardons-la précieusement, conservons-la avec soin, et ce qui importe le plus, mettons-la sans cesse à profit. Correspondons fidèlement aux faveurs célestes en marchant sans relâche de vertu en vertu, jusqu'à ce que nous avons le bonheur d'être en possession de notre unique et souverain bien. Tel sera pour nous le moyen véritable de glorifier Dieu, sinon avec autant de perfection que Marie, du moins aussi parfaitement que le comporte notre fragilité et notre condition présente. Alors nous pourrons chanter de concert avec la Bienheureuse Vierge. Mon âme rend gloire au Seigneur, elle exalte sa grandeur, elle publie et manifeste monte sa sagesse et sa bonté infinie. Markem Dan Archivorg 2023, d'après Books Google FR Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.